Les éditions de l'Avenir présentent Le Progrès de l'Est, volume 1, numéro 3, du samedi 8 septembre 1883. Page 3, colonne 4. Nouvelles du Canada. La fromagerie de Saint-Jean-Port-Joli produit chaque jour 300 livres de fromage d'excellente qualité. Un nommé Prudhomme de l'Assomption est mort subitement dans la forêt alors qu'il était à préparer du bois avec ses gendres. Le 10 octobre prochain, M. l'abbé R.T. Hébert célébrera son 50e anniversaire de prêtrise. Monseigneur l'archevêque de Québec assistera à cette belle fête. On dit que Sa Sainteté Léon XIII a fait parvenir un télégramme à l'archevêque de Québec l'informant qu'il allait envoyer un délégué pour régler les difficultés qui existent entre Victoria et Laval. Il y aura à Saint-Louis de Kamouraska, le vin du courant, une imposante cérémonie religieuse. Les paroissiens de ce village ont fait l'acquisition de 3 cloches qui devront être bénies ce jour-là par sa grandeur, Monseigneur l'archevêque de Québec. Il n'y a pas beaucoup d'activités dans les manufactures de chaussures de Québec. Les moins importantes sont fermées et dans les autres, on travaille à petite journée. Cet état de choses semble vouloir se continuer pendant quelque temps encore. Monsieur Aurel Blondeau, menuisier de l'ancienne Lorette, revenait de la ville lorsqu'il fit rencontre d'un brigand qui lui sauta dessus pour le dévaliser. Monsieur Blondeau assomma son agresseur à coups de poing et lui administra la meilleure correction qu'il ait peut-être jamais reçue. Le marquis de Lorne a donné commission à 2 trappeurs sauvages pour lui prendre des rats musqués vivants qu'il désirerait emporter avec lui en Angleterre. Le père du marquis, sur ses propriétés ducales en Écosse, possède une véritable colonie de castors canadiens qui se sont acclimatés sans aucune difficulté. Monsieur Lacroix, inspecteur des bâtiments de la Cité de Montréal, vient de terminer l'inspection des clos de bois et des machines à vapeur. Il a découvert depuis 2 mois 32 clos de bois et 34 machines à vapeur établies sans permission. Les propriétaires ont été avertis de se mettre en règle sans délai, c'est-à-dire obtenir du conseil municipal les permis exigés par la loi. Monsieur Edmond Blais, assistant maître de poste de Trois-Rivières, a été victime d'un accident assez sérieux samedi dernier. Il fut frappé à la figure par une gaffe à l'aide de laquelle un batelier essayait à sortir un morceau de bois de l'eau. Ce coup imprévu fit perdre l'équilibre à M. Blais qui, dans sa chute, se blessa à la jambe. La gaffe lui infligea aussi une blessure à la figure. Un fou du nom d'Élie Loubier, s'étant emparé d'une fourche de fer, se rua sur son frère Fortunat de la concession Saint-Jean à Saint-Georges-de-la-Beauce et le frappa à la tempe. Fortunat put se relever et se rendre en voiture chez le médecin, mais en rentrant à la maison, il perdit connaissance et mourut dimanche matin. La justice s'est emparée du coupable qui semble indifférent à tout et l'a écroué dans la prison de district à Saint-Joseph. La semaine dernière, 2 amis du nom de Meunier et Senet partaient de Sainte-Marie-de-Monnoir pour se rendre à Montréal. Ils allaient tous deux voir s'ils ne trouveraient pas des filles de leur choix pour en faire leur femme. Ces 2 amis sont de fervents adorateurs de Bacchus, et tout le long du chemin, une rasade n'attendait pas l'autre. Arrivé à Longueuil, la voiture versa, et l'un d'eux, Senet, le propriétaire de l'attelage, demeura par terre sans pouvoir se relever. Et son ami le laissa et continua son chemin. Il prit la vapeur, fit la traversée, et descendit à Montréal. Après s'être promené quelque temps, il rencontra un nommé Comédine, auquel il proposa de lui vendre cheval et voiture pour une vingtaine de dollars. Ce dernier, voyant qu'il avait affaire à un gueux, vu le bas prix demandé, le conduisit à la station centrale de police pour avoir des explications. Après avoir été interrogé par les agents de police Arcan et Lapointe, l'individu déclara que le cheval et la voiture lui appartenaient et qu'il allait chercher sa femme et ses enfants en promenade chez un cousin du nom de Rochon, qui demeurait, disait-il, près de la gare Bonaventure. Les agents de police l'accompagnèrent pour aller voir ce cousin, mais s'étant bientôt aperçu que l'homme leur en avait conté, ils lui en firent des reproches. Alors, l'individu déclara que la voiture et le cheval étaient la propriété d'un de ses amis, nommé Senet, qu'il avait autorisé à les vendre à n'importe quel prix. Là-dessus, Meunier a été conduit en prison. Senet a fait apparition le lendemain pour réclamer sa propriété. On ne connaît pas encore la punition infligée par la justice au coupable. Il est arrivé un pénible accident lundi avant midi sur l'embranchement du chemin de fer Saint-Charles. Une mine a fait explosion et deux hommes ont reçu des blessures graves. L'un d'eux, Magloire Gamache, a eu les yeux crevés et l'autre, Joseph Gaudreau, a reçu une large entaille à la gorge. On désespère de le sauver. Il a été transporté à l'hôpital de la Marine et Gamache dans sa famille. Ces deux malheureux ouvriers demeurent à Sainte-Louis, paroisse du comté de Lillet. Monsieur Rousseau de Saint-Casimir s'est fait escamoter son portefeuille mardi de la semaine dernière sur le quai de la compagnie du Richelieu à Montréal. Il revenait du guichet où il avait pris son billet de voyage et se rendait au bateau lorsque le vol a été commis. Il avait dans son portefeuille 35 $ en argent et 180 $ en billets. Le voleur s'est sauvé dans la direction de la montagne, mais un agent de police s'est mis à sa poursuite et est parvenu à l'arrêter. Il se nomme, dit-on, John Stewart. Monsieur H. Brimacombe, de la Banque de Montréal, vient d'être frappé d'aliénation mentale et il a été nécessaire de le faire transporter à l'asile de la Longue-Pointe. Depuis quelque temps déjà, ses amis avaient remarqué un grand changement dans sa manière d'être à leur égard et plusieurs excentricités auxquelles il s'est livré ont enlevé tout doute sur son état. Aux régates qui ont eu lieu dernièrement à Belle-Oeil, il a été pris tout à coup d'un accès de fureur qui, loin de s'apaiser, ne fit qu'augmenter les jours suivants, et c'est la semaine dernière qu'il fut conduit à la Longue-Pointe. Mardi de la semaine dernière, deux jeunes filles et deux jeunes garçons de Québec étaient allés cueillir des fruits dans les environs du chemin Belle, près de la petite rivière. Un nommé Paquette, chartier au service de M. Montreuil, les rencontra en descendant la côte de Sainte-Foy. Il leur fit faire un tour de voiture et, après un certain trajet, il fit descendre les deux garçons et une fille, gardant avec lui la nommée La Force, âgée de 11 ans. Il voulait, disait-il, lui faire faire un tour. Il la conduisit sur le chemin Saint-Clair, où il la violenta brutalement. Le chartier était ivre et c'est un nommé Boucher qui reconduisit sa voiture en ville. La police s'est mise immédiatement à ses trousses. Il est à supposer qu'à l'heure actuelle, il est arrêté. Un nommé Bouchard, des éboulements, entrait à l'hôpital de la Marine à Québec, il y a quelques jours, malade d'une fièvre typhoïde apparemment peu grave. Lundi dernier, il parvint à sortir de sa chambre, située au troisième étage, sous prétexte qu'il voulait aller prendre l'air. La matrone n'ayant pu lui faire entendre raison, et deux individus infirmes vinrent à son aide, ce qui n'empêcha pas Bouchard de se précipiter par une fenêtre à l'extrémité du corridor. On descendit pour le ramasser, mais il avait perdu connaissance. Au bout de 10 minutes, il rendit le dernier soupir. L'autopsie a constaté que la mort avait été causée par la rupture d'un des lobes du foie. Après l'enquête du coroner, un verdict a été rendu en conformité des faits. Cet enregistrement est diffusé sous licence Creative Commons Attribution Non-Commercial Share-alike et est une production 2012 des éditions de l'Avenir. Pour tout connaître de nos productions, visitez lavenieraudio.canalblog.com. Merci de votre attention. À bientôt.